Pourquoi s'adresse-t-on des vœux? Il y a ce qu'on appelle la période des vœux, cette période des vœux qui s'étend, paraît-il, tout au long du mois de janvier dans nos sociétés. Et du 1er au 31 janvier, on peut se souhaiter des vœux, s'adresser des vœux de bonne année. Et je crois qu'il faut le faire. Et ce n'est pas seulement un rituel social, bien sûr. Il y a aussi cette part d'obligation sociale, cette part de rituel qui fait que les sentiments eux-mêmes dans nos sociétés, les sociologues l'ont bien montré, dans toutes les sociétés d'ailleurs, font l'objet d'obligations. On doit s'adresser des condoléances en temps de deuil, des félicitations en temps de succès et des vœux à certaines occasions qui sont marqués dans le temps. Le vœu à avoir avec le temps, par exemple, on s'adresse des vœux à l'occasion d'un anniversaire parce que cela jalonne une vie et on se l'adresse en se souhaitant se revoir l'année suivante. On s'adresse des vœux aussi dans cette période de début d'année, dans cette période marquée dans le calendrier par le commencement d'un nouveau temps. Et c'est pourquoi il faut peut-être, pour comprendre cette période rituelle, qui change socialement. Bien sûr, les vœux changent aujourd'hui, peut-être que l'échange rituel des cartes de visite ou des cartes de vœux a laissé la place à des petits messages sur nos écrans. Il faut comprendre l'importance de cette période par l'instant. L'instant du passage d'une année à l'autre. Cet étrange moment de la fête où l'on fait le décompte des dernières secondes et où l'on passe d'une année à l'autre et où on s'embrasse en se souhaitant bonne année, où l'on cherche à se téléphoner tout de suite, où les réseaux sont saturés, cet instant où l'on est en réalité ensemble. Car le cœur de la question des vœux, c'est évidemment cette adresse. On s'adresse des vœux, on se les adresse les uns ou les unes aux autres et en quelque sorte mutuellement. Le vœu, ce n'est pas seulement un désir abstrait, quelque chose comme un vœu pieux, le bonheur de l'humanité, bien sûr, nous le souhaitons et nous devons le formuler aussi au début d'année. Et il y a aussi les vœux politiques et il faudra y revenir avec leur part d'illusion, voire de mystification parfois. Mais le vœu, ce n'est pas ce désir pieux en général, ce n'est pas non plus nos désirs les plus généraux, les résolutions que nous prenons en début d'année pour nous-mêmes. Le cœur des vœux, c'est l'expérience directe de la relation, la présence à l'instant T de celui à qui non seulement nous souhaitons du bonheur, mais à qui, en l'embrassant, nous voulons donner un peu de force pour commencer concrètement l'année. Le vœu, c'est déjà un commencement de soutien, un commencement de relation, une relation concrète qui continue. Une relation physique et psychique et sociale aussi où nous disons « je suis là avec toi, nous sommes ensemble dans ce combat commun, je ne suis pas seulement en train de viser un avenir idéal, mais dès maintenant, à l'instant T, non seulement de te souhaiter le meilleur, mais de le partager et d'y contribuer par ces vers qui s'entrechoquent même dans les situations les plus délicates de crise ou de douleur qui peuvent nous entourer ponctuellement ou dans le monde. Oui, s'adresser des vœux, ce n'est pas pour l'avenir, c'est tout de suite, c'est maintenant, en ce début d'année. Et si je peux me permettre, bonne année à vous.